explorons le vaste monde par les chemins complexes qu'a pris l'exploration du monde par les Européens depuis le XVIe siècle. Voilà la carte du monde. La Terre est ronde comme une orange. Cette carte est comme son écorce qu'on aurait mise à plat. L'Amérique du Nord. La baie d'Hudson, mes amis. Il faut l'avoir vue pour savoir ce que c'est. Ouais. Vous en parlez comme un barbe de sa vie, monsieur Radisson. Mais ce pays, avec ses bordées de neige et ses froids durs, à quoi peut-il bien servir? Oh, on voit bien que vous n'y êtes jamais allé, capitaine. Des castors, il y en a partout. Dame de la barre, 10 degrés. Parfaitement, le Mississippi, la Louisiane. Voilà la clé du continent. Ce qui compte le plus, c'est d'abord de s'en emparer. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Alors nous allons parler d'un vaste espace, depuis la baie d'Hudson, comme on disait, parce qu'on parlait français dans ce vaste espace, au nord jusqu'à la latitude de Saint-Louis. C'est un vaste espace qui a été recouvert ensuite par le western, l'états-unisation du continent nord-américain qu'on va essayer de restituer par strates. Avec Gilles Avard, bonjour. Bonjour. Alors Gilles Avard, j'ai présenté tous vos mérites à mesure que l'émission avancera, mais je dis que vous êtes un des auteurs du collectif dont nous parlons depuis lundi, L'exploration du monde au seuil. C'est un livre qui paraît jeudi, demain. Alors, ce vaste espace, il est recouvert maintenant par une histoire plus récente. Oui, effectivement, quand on pense à l'Amérique du Nord, on pense et quand on s'interroge sur les relations entre les Européens et Euro-Américains d'une part et les populations autochtones, on pense intuitivement un petit peu plutôt à la conquête de l'Ouest. Et du coup, on oublie une période précédente que Lévi-Strauss a appelée conradienne, parce que c'était une période où le destin des populations autochtones n'était pas encore scellé, et c'est une période de tous les possibles finalement dans le type de relation à inventer entre Européens et Amérindiens, et où il pouvait y avoir de la violence, mais il pouvait y avoir aussi de la cohabitation, des formes d'alliance, et donc aussi de façon un peu contre-intuitive des formes d'indianisation de certains Européens, alors que le scénario colonial prévoit plutôt au contraire la francisation ou l'anglicisation des populations amérindiennes. C'est pas un flux continu. Et il faut s'interroger sur cette trame à demi invisible et compliquée. Alors vous avez employé le mot euro-américain, ça nous permet de distinguer les Anglais des Français, et je vous propose qu'on commence par les Anglais. Nous sommes en Virginie, en 1607, le pays densément peuplé. C'est la région de Jamestown où un petit groupe d'Anglais s'est installé. Reste pour commander cette garnison John Smith, un monsieur qui est un aventurier assez extraordinaire, hein. Oui, c'est un soldat de fortune qui a notamment connu toutes sortes d'aventures dans l'Europe de l'Est. Il a combattu les Turcs en Transylvanie. Ah oui. Et il débarque donc en Virginie en 1607 avec une centaine d'autres colons anglais. Et il est capturé par les Powhatan. Je crois qu'un banquet s'organise, mais le banquet et le poteau de torture ne sont jamais éloignés. C'est toujours l'indécision dont vous parlez. Alors, votre article dans le livre collectif du Seuil est extrêmement sérieux. Nos sources sont ce qu'elles sont. Pocahontas ou le cœur tatoué, c'est une émission de la Radio Nationale de 1963, pas autrement documentée que par ce titre. Il est dans une mauvaise posture à cet instant précis, John Smith. John Smith et ses compagnons sont attaqués, leur fortin est emporté et Jamestown brûlé. Les guerriers de Powhatan, le père de Pocahontas, triomphent. Smith, ficelé comme le plus serré des boudins blancs de son pays natal, est jeté aux pieds de l'idole Hoki. La Virginie de Pocahontas va nous fournir l'argument d'un prestigieux opéra vrai. Tandis que pleure le hibou huppé de la nuit, après une vive discussion entre les notables de Powhatan, discussion où il est question de la manière la plus séduisante de mettre à mort le chef blanc, le roi, se souvenant d'une excellente recette de tante fleur de narcisse à s'en lécher les 10 doigts, met d'accord ses conseillers en décidant d'écraser la tête du prisonnier et de le manger ensuite. Depuis la truite au bleu, chacun sait que la cuisine est un art cruel. Mais, bon, c'est un opéra, a dit le présentateur à la voix anonyme. C'est un vrai roi, là, le chef des Indiens ? Alors non, c'est la façon dont les Anglais rationalisent le système politique local. Mais c'est vrai que c'est un chef qui s'appelle Waun Senako et que les Anglais appellent Powhatan par métonymie, puisque le peuple s'appelle les Powhatan. Et c'est une vaste confédération de villages peuplé par à peu près 15 000 individus. Donc c'est vrai qu'il a une stature de grand chef. Il est appelé par les Anglais tantôt roi, tantôt empereur. Alors il offre un banquet d'abord à John Smith et puis peut-être se ravise-t-il après avoir consulté les notables et va lui écraser la tête, paraît-il. Hein. Quand soudain surgit une jeune fille de 11 ans qui est présentée comme la fille préférée du roi parce qu'il en a des dizaines d'enfants. Et donc elle s'interpose en prenant la tête du pauvre John Smith dans les bras et en demandant à son père de l'épargner. 11 ans, vous avez dit. 11 ans, oui. Pocahontas, donc c'est son nom, ça signifie petite délurée dans la langue locale. Et donc ce sauvetage hein, que les Anglais, les Américains ont ensuite appelé de rescue, hein, a été sacralisé un peu comme la séquence matricielle de l'histoire de la Virginie et par-delà de l'histoire du Sud, ensuite des États-Unis et même des États-Unis. Par exemple, on peut le voir, cette force de l'histoire de Pocahontas, John Smith, jusqu'au cinéma contemporain, le film Avatar, que tout le monde connaît, c'est une sorte de variation sur ce thème de la princesse indienne. Et même Donald Trump connaît le personnage, puisqu'il a qualifié aussi son adversaire démocrate Elizabeth Warren, qui revendique des origines amérindiennes, de Pocahontas. Alors, c'est une histoire qui continue après qu'elle a sauvé John Smith, parce qu'elle va épouser un jeune colon anglais, Rolf. Alors, oui, effectivement. Oui, c'est vrai. John Rolf, qui était un planteur de tabac. D'ailleurs, il va introduire une variété de tabac qui va connaître un énorme succès en Virginie. Et ce boom économique, d'ailleurs, va entraîner une dégradation des relations entre les Anglais et les Powhatan, qui accueillent dans un premier temps les Powhatan favorablement. Et donc, Pocahontas est kidnappé en 1613 par les Anglais au moment où les relations se détériorent. Ah, elle est prise comme otage après qu'elle a sauvé John Smith. Voilà. Tout est indécis, certain. Enfin, si ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc, elle est... anglicisée, hein, disons qu'elle est otage et puis ensuite elle devient un petit peu la première Powhatan, en tout cas c'est comme ça que les Anglais présentent la chose, civilisée, hein, on lui coupe les cheveux à la manière anglaise, on l'habille à la manière anglaise, on la baptise et donc elle se marie avec ce planteur de tabac, John Rolfe, qui promet à la compagnie de Virginie, qui administre la Virginie, qu'il veut se marier avec elle, non pas par désir de charnel, mais pour œuvrer à la conversion spirituelle de cette princesse sauvage. Et est-ce, elle, c'est par désir charnel qu'elle s'abandonne, elle qui représente la Virginie, à l'Amérique nouvelle. C'est difficile de parler de Pocahontas parce qu'il y a toujours plusieurs hypothèses possibles. Ce qu'a bien senti le speaker de la radio dans l'émission de 1963, dont voici encore un morceau de bravoure. Quand je vous aurais dit que Pocahontas était une indienne d'une grande beauté, vous serez libre de la voir à votre manière. Mais vous pouvez aussi voir l'incomparable indienne, la perle du Potomac, à la manière de Chateaubriand. Pocahontas, fille de roi, était très belle. Elle était couchée sur un gazon de sensitive des montagnes. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis deux matins, semblaient languir et sourire. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie. La voilà en avatar d'Atala, mais peut-être Chateaubriand, à Londres, quand il était en exil pendant l'émigration, a-t-il connu le nom de Pocahontas ? Parce que Pocahontas, continuons son parcours, Gilles Avard. 1616, elle arrive à Londres. Voilà, elle voyage donc de la Virginie jusqu'en Angleterre, où elle est reçue à la fois par l'évêque de Londres, elle est reçue également à la cour, par la reine Anne, par le roi Jacques Ier. Et donc, elle est présentée un petit peu comme le gage de la réussite coloniale anglaise qui, il faut le rappeler, au départ, était aussi motivée par le désir de civiliser, entre guillemets, les populations autochtones. Même si ce rêve va vite décliner, mais en tout cas, Pocahontas incarne la réussite de ce rêve et donc elle est exhibée comme un objet de curiosité pendant quelques mois, parce qu'elle reste pendant 9 mois à Londres. Et puis elle meurt d'ailleurs au moment où elle rembarque en 1617. Et alors ce qui est drôle, c'est que cette première mythification de l'Indienne ne tient pas compte du récit du sauvetage qui sera produit par John Smith beaucoup plus tard. Voilà, en fait, John Smith a été effectivement capturé par les Powhatan, mais il a été plutôt bien reçu. Le sauvetage, est un conte inventé par Smith. Il y a plusieurs éléments qui permettent de le dire. D'abord, il est difficile d'imaginer qu'une fille de 11 ans, même fille de grand chef, ait eu un tel pouvoir pour décider du sort d'un captif. Et puis surtout, Smith, dans sa première relation en 1608, donc un an après la capture, ne mentionne pas Pocahontas. Hein. Il le fait seulement dans un ouvrage ultérieur, en 1624. Et entre-temps, Pocahontas a voyagé à Londres. Pocahontas est morte. Il y a eu aussi un grand soulèvement des Powhatan contre les Anglais en 1622. Et donc, en 1624, pour se faire valoir, hein, il invente cette scène du sauvetage, qui, par ailleurs, est un petit peu... influencé par ses propres, par des récits de, des motifs, de sauvetage, voilà, des motifs narratifs, sont des types narratifs. Voilà, exactement, parce qu'il y a notamment le cliché romanesque du sauvetage de l'explorateur par une belle autochtone, et Smith raconte lui-même que plusieurs femmes l'ont secouru dans des situations extrêmes, en Turquie, en Tartarie, en France, et en Virginie. Il a pu voir des images dans des livres. Donc voilà, il a adapté un cliché, à sa propre histoire. C'est un vieux cliché qu'il a adapté à la sauce virginienne, si je puis m'exprimer. Le démontage de la princesse indienne étant ainsi fait, je rappelle que c'est dans l'Exploration du Monde, un des articles, un des quelques 92 articles, nous allons continuer notre progression. Alors, je ne vous ai pas encore présenté Gilles Avard comme étant un grand spécialiste de l'Amérique française et comme l'auteur d'un livre qui vient de paraître chez Flammarion sur l'Amérique fantôme, sur les grands coureurs des bois du grand espace qui va de la baie d'Hudson au nord à la latitude de Saint-Louis au sud. Cette chanson, c'est une complainte d'un coureur des bois qui s'appelle Jean Cadieu, qui meurt en 1709. Et au moment où il meurt, il est pris au piège par les Iroquois. Ses amis algonquins et outaouais ne sont pas de grand secours pour lui. Et il n'a qu'une ressource, c'est de graver sur une écorce avant de disparaître un bref récit de sa vie que chante ici Alexandre Béliard. Seul dans ces bois que j'ai eu de soucis, pensant toujours à mes si chers amis, je demandais, hélas, sont-ils noyés? Les Iroquois les auraient-ils tués? Un de ces jours que m'étant éloigné, en revenant, je vis une fumée. Je me suis dit, ah grand Dieu, qu'est-ce ci? Les Iroquois m'ont-ils pris mon logis? Je me suis mis un peu à l'ambassade, afin de voir si c'était embuscade. Alors je vis trois visages français, m'ont mis le cœur d'une trop grande joie. mais je l'oublie, ma faible voix s'arrête. Je tombe, hélas, à partir il s'apprête. Je reste seul, pas un qui me console. Quand la mort vient par un si grand désol, petit rocher de la haute montagne, je viens ici finir cette campagne. À douze échos, entendez mes soupirs, en languissant, je vais bientôt mourir. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. L'exploration par les Européens de l'Amérique du Nord. Ah, les coureurs des bois, vos héros, Gilles Avard, sont légions, ils sont marcheurs, ils sont canoteurs, ils sont chasseurs, ils sont hableurs, et il leur arrive même d'écrire leur cadieux sur une écorce de bois. Et le personnage qu'on va regarder de plus près, parce qu'il est quand même assez extraordinaire, Radisson, sur du papier. Radisson, la marque des hôtels, Radisson, ça vient de là. Tout à fait. Et Radisson, il a tenu chronique sans publier de son vivant, chronique de ses aventures. Oui, donc peut-être faut-il la rappeler, les origines de Radisson. Bah oui, qui est, Pierre Esprit Radisson, qui est un petit Parisien, donc fils de marchand linger dans le Marais parisien, et qui était alphabétisé. Et qui perd son père et probablement sa mère, et donc qui, orphelin, va migrer au Canada en 1650 avec trois de ses sœurs. Et il s'installe à Trois-Rivières, hein, qui est la ville située entre Québec et Montréal. On est autour de 1646. On est autour de 1650, oui. 1650. Voilà. Et, on ne sait pas très bien sa date de naissance. On n'est pas certain, mais c'est probablement 1636. Et donc, ce personnage est intéressant d'un point de vue historique. D'abord parce que il a été captif des Iroquois, on va peut-être en parler. Il a été aussi coureur de bois, et donc captif, coureur de bois, c'est un peu les deux modalités principales d'immersion des Européens parmi les Amérindiens. Faisons la captivité d'abord, le poteau de torture, le banquet, l'hospitalité, je ne sais. Donc il est capturé à l'âge de 15 ans, il va rester chez les Iroquois longtemps. Il va rester effectivement plusieurs mois, plus d'une année chez les Iroquois, alors qu'il chasse avec deux de ses compagnons autour de Trois-Rivières. Il se fait effectivement capturer par les Iroquois, qui sont les ennemis à ce moment-là de la colonie française. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir tout le processus de la captivité qu'il raconte en détail dans son autobiographie, donc manuscrite. Qui sera édité seulement à la fin du 19e siècle. Hein, et on voit comment, par exemple, son corps est pris en charge par les Amérindiens. Alors, il était avec deux de ses compagnons qui, eux, ont été scalpés. Et donc, lui est dirigé un peu manu militari jusqu'au village, hein, en plusieurs jours. Et on lui coupe les cheveux, d'une certaine manière. On lui peint le visage en rouge et en noir. On lui frotte tout le corps avec de la graisse animale. On lui donne de nouveaux vêtements. On lui apprend des mots d'Iroquois. Hein, donc il y a un processus comme ça de fabrication, de façonnage, hein, du corps de Radisson à l'image des Iroquois, un petit peu pour signifier la mort sociale du Radisson français, hein, et pour préparer l'éventuelle adoption qui sera la sienne. Et on voit qu'on adopte des individus, mais on adopte aussi des corps. La captivité, l'hospitalité, tout est incertain, dites-vous sans cesse. Gilles Avard, dans ce monde, peuvent être proches. Il lui arrivera peut-être de coucher avec des Indiennes. Oui, probablement, même si il ne le dit pas. Comme dans les chroniques coloniales, on ne raconte pas trop ça, sauf les missionnaires jésuites qui se plaignent parfois justement des coureurs de bois, qui seraient des libertins parmi les Amérindiennes. Alors après être parti de chez les Iroquois, non sans aventure, il faut les lire dans votre livre « L'Amérique fantôme », il devient totalement coureur des bois. Si c'est un métier à temps complet, parce que ça ressemble un peu à celui des marins qui relâchent dans un port de temps à autre, en compagnie de son beau-frère qui s'appelle, oh, c'est superbe son nom, Chouard des Groseilliers. Hein, et ils vont donc échanger des produits manufacturés avec les Indiens, c'est ça le rôle principal des coureurs des bois. Voilà, pendant une certaine période, la première moitié du XVIIe siècle, c'était les Indiens qui venaient dont les Hurons, par exemple, qui venaient à Trois-Rivières ou à Québec pour apporter leur peau animale, hein, leur peau de castor en particulier. Et puis à partir de Radisson et de Desgroseilliers, à ce moment-là, et d'autres Français, ils vont aller se rendre directement à la source des fourrures, parce que les Hurons, entre-temps, ont disparu comme confédération. Alors, vous dites qu'il y a des grands rassemblements. Alors ça, c'est chez les Indiens, à l'occasion de la fête des morts. Et puis, il y a des grands rassemblements, par exemple, au pied de la maison du gouverneur de Montréal. C'est un extrait de la série d'Iberville, c'est une série québécoise de 1967-1968 en collaboration. Il faut toujours citer l'ORTF parce qu'il paraît que c'est un modèle avec l'ORTF de l'époque. Tout le monde est prêt, monsieur, on vous attend. Comment tout est prêt? Et où sont vos Indiens? Mais là, monsieur. Je n'en vois qu'une poignée, où sont les autres? Il n'en viendra pas d'autres, monsieur. Quoi? Monsieur d'Iberville est allé aux nouvelles, il a interrogé les chefs. Il y a des chefs parmi eux? Oui, monsieur. Les chefs Outaouais, Algonquin et Abenaki. Qu'est-ce que ça signifie, major? On m'avait pourtant dit que cette fameuse foire de fourrure attirait chaque année des centaines d'Indiens à Montréal. Je n'y comprends rien moi-même, monsieur. Son Excellence, le gouverneur de Montréal. Il dit que la paix signée avec les Iroquois l'an dernier a blessé les Outaouais et tous les alliés des Français. Mais il proteste quand même de son amitié pour ses frères les Français. Le gouverneur de Montréal remercie le chef Outaouais de ses présents. Il lui souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous ses frères. Il regrette toutefois de voir qu'ils sont venus si peu nombreux. Et voici le présent du gouverneur de Montréal. 3 épées, en signe d'amitié. Je déclare ouverte la foire de Montréal. Les échanges commenceront demain. Tout est toujours indécis dans cette Amérique du Nord. On ne sait pas comment évoluent les alliances. Elles peuvent se retourner. Et les coureurs des bois, ils doivent payer des taxes au gouverneur, là? Oui, effectivement. Et Radisson et Desgroseilliers n'avaient pas envie de le faire. Hein. Quand ils reviennent de leur voyage jusqu'à l'extrémité ouest du lac supérieur en 1660, hein, ils se heurtent au gouverneur qui veut leur imposer des taxes et puis profiter un petit peu de la manne de fourrure qu'il rapporte. Et du coup, les deux aventuriers français qui sont allés au cours de leur voyage jusqu'à la baie d'Hudson, semble-t-il, hein, où ils ont imaginé une autre façon collecter les fourrures, c'est-à-dire en venant par navire depuis l'Europe ou depuis les côtes est de l'Amérique du Nord actuelle, jusque la baie d'Hudson, et de là collecter chez les Indiens Cris les fourrures sans avoir à remonter la rivière des Outaouais en passant par les Grands Lacs, et notamment sans avoir à être confronté aux Iroquois, dont on a compris qu'ils étaient une menace du point de vue des Français. Et cette compagnie, elle est sous patronage français ou anglais? Alors la compagnie... De la baie d'Hudson. De la baie d'Hudson, en fait... Dis Hudson, moi. Mais oui. Mais vous dites Hudson, bon d'accord. Radisson. Oui, mais on ne sait pas avec Radisson parce qu'il passe justement d'une allégeance française, puisque c'est un petit français, hein, donc et il va proposer ses services aux Anglais. Hein, et donc il se retrouve à Londres en 1665, et à partir de 1668 il y a un premier navire qui part de Londres pour aller jusqu'à la baie d'Hudson, et donc c'est le début de l'aventure de cette compagnie de la baie d'Hudson qui est fondée en réalité en 1670. Alors là il est du côté anglais avec des conseillers, oui, mais tout est indécis et incertain. Nous voici maintenant un peu plus tard, toujours dans le feuilleton d'Iberville, en 1681. Alors là du coup, les voilà que les deux compères sont passés du côté français, qui prennent même Port Nelson à leurs amis, ex-amis anglais, et un bateau anglais venu de Boston. Alors dans les cabarets de Montréal... Comment s'appelle cet aventurier qui a pris un bateau aux Anglais? L'un s'appelle Radisson et l'autre... Attendez. Plutôt, comment s'appelle le compagnon de Radisson? Médard Chouard, Excellence. Sieur Desgroseilliers. Qu'est-ce qui se passe? Maria, t'as pas dit? Ah. Ben en fait, Radisson et Desgroseilliers, ils arrivent de la baie d'Hudson. Radisson? Avec la cale bourrée de peau de castor, je suppose. C'était que ça. Les Delurons ont réussi à capturer une frégate anglaise. Quoi? Mais elle mouille au large. Allez, viens, Radisson veut te voir. Je sais pas, tu vas pas refuser de boire un pot à la santé de Radisson, non? Et de sa frégate. Allez. Je bois à la bonne ville de Québec. Ouais. Et à la santé de tous les vaillants buveurs de la Bourgogne. Ouais. Et moi, mes amis, je bois à Pierre-Esprit Radisson. La terreur de la baie du Tson. C'était un certain indécis, le faiseur de tour, ainsi le définissez-vous, Gilles Avare, il va ensuite retrouver les Anglais. Il va mourir à Londres. Oui, effectivement, il est repassé au service de la France en 1675, et puis sous le patronage de Colbert, et à la mort de Colbert, un an après, il repasse au service des Anglais, et effectivement, est même naturalisé anglais en 1687. Et on ne l'appellera plus Pierre-Esprit Radisson, mais Peter Radisson. Et il meurt en 1710, hein, comme un gentleman, donc loin des longues maisons iroquoises et du lac supérieur. Enfin, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il a passé plus de temps de sa vie en Europe. Exactement. Qu'en Amérique du Nord. Donc les corps des bois ne le sont pas constamment. Vous dites, en exergue de votre livre, il ne suffit pas de changer de place, il faut changer de vie et de mœurs. Les euro-américains sont passés experts en la matière. Alors, pas tous, déjà le simple fait de la migration est une aventure en soi. Et puis, pour les personnages moi qui m'ont intéressé dans le livre « L'Amérique fantôme », il y a des formes d'indianisation que j'évoquais tout à l'heure, à travers le personnage de Radisson, mais d'autres. Oui, vous faites le portrait de 10 aventuriers. Voilà, qui montre que il y a eu dans cette histoire de la colonisation des formes, on pourrait dire, de contre-colonisation, en tout cas des rencontres dont la destinée n'était pas écrite à l'avance. Des métissages. Et c'est cette incertitude que j'ai voulu documenter à travers ce livre, L'Amérique fantôme. Des métissages aussi, par exemple, j'ai pu rencontrer, c'est le début du livre, un Indien, mais qui est métissé du Dakota du Nord, qui se présente comme un Frenchman, un Français. Donc il y a toute une histoire de l'Amérique franco-indienne qui reste à écrire, et j'ai essayé de contribuer à cela. Votre livre aux éditions Flammarion et l'exploration du monde, livre collectif auquel vous avez contribué, sort demain. Au seuil, nous recevrons une de ses coordinatrices, Hélène Blay, demain. Frédéric Martin, Franck Oliva, Audrey Ripouille et Maxime Ingrand à la marche de l'histoire.